attention, voilà, voilà, elle était prête. Parce que ça papote, évidemment, ça papote, ça papote, ça discute. Ah, c'est la loose. Et alors, on me dit, il n'y a pas de publicité, bah, moi non enfin, plus. De réclame, enfin, oh, c'est un gros mot sur France Inter. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Il n'y a pas de message à caractère de consommation. Moi, j'ai un mot, mais c'est vulgaire. Non, d'accord, ok. Alors, bonne émission. Et donc, voilà, merci, merci Laetitia Gaillet. Attention, attention, attention, attention, attention, parce que attention, parce que là, ça va être la conférence de rédaction. Attention. Salut les amis! Ah, salut les gars! On est content que vous soyez rentrés! Ah, bah merci, moi ça m'a permis de bien déconnecter ce long week-end. Ah, moi aussi, j'ai rien suivi à l'actu! Ah, bah, c'est bien, tu vas avoir un regard frais. Alors, frais, c'est pas le mot, tu m'aurais vu samedi soir en after show ensuite. Ah, moi aussi, pareil, j'ai fait du pole dance au Macumba de Mulhouse. Oui, bon, bah félicitations, là, ça va, on peut travailler là? Avec ma chemise sur la tête, et à un moment donné. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je connais le sentiment. Dimanche, j'ai pas bougé de chez moi, Ah, bah voilà, c'est ta faute. Non, mais Alex, il est belge, il aurait rien pu faire. Et Guillaume, toi, au moins, t'as fait ton max citoyen. Ah, bah évidemment, moi je suis sorti, j'ai été en terrasse, j'ai bu des coups, ils nous auront pas, attends. Je crois qu'ils ne comprennent pas. Non, je pense qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quoi. Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Bah tiens, vas-y, les journaux. Alex, le Figaro. Ah, bah non, je me sens bien plus à gauche que. Guillaume, l'humanité. Bah non, je me sens quand même bien plus à gauche que. Oula, il se passe quelque chose, le Figaro, il titre le choc. Bah oui, il se passe quelque chose. Mais attends, attends, attends, c'est marrant parce que l'humain aussi, il titre le choc. Oui, alors ça se confirme, il a dû se passer quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce dimanche, c'était les élections. Oui, ça, on le savait depuis longtemps. Il y a eu énormément d'abstention. Ça, on le savait depuis longtemps. Et le résultat, c'est que le FN a fait un énorme score. Oui, mais ça, on le savait depuis longtemps. Oh, puis vous cassez les pieds. Oui, ça, on le savait depuis longtemps. Bonjour la France Inter, bonjour les amoureux du théâtre des Deux Ânes, du Caveau, etc. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui se rend au bureau de vote et qui après se pose en terrasse. Et voici les trois informations qu'on va glisser dans l'urne avec un peu de bière pour faire glisser le bulletin dans l'urne. Le Parti Républicain n'est peut-être pas celui qu'on croit. Face au FN, Nicolas Sarkozy replonge dans le ni-ni, tandis que le PS, lui, se sacrifie. Enfin Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Le ministère des Finances envisage de rémunérer toute personne qui donnerait des tuyaux pour débusquer une évasion fiscale. C'est moi qui ai démantelé tout le réseau de sa cachette, le petit train, tout ça. C'est moi. Vous allez me décorer. Ah bah dans pas longtemps, oui, c'est possible que ça arrive, oui. La FNAC se refait une image après cette autoproclamé agitateur. Le distributeur de produits culturels se prend pour l'ENA des artistes. Ouais, j'ai fait la FNAC. J'ai fait la FNAC comme j'ai fait Sciences Po. C'était Nekfeu. Je suis accompagnée de celui qui, après être sorti de l'équivalent de HEC, a décidé de faire la FNAC pour devenir saltimbanque. C'est Alex Vizorek. On n'est pas loin de ça. Bonjour Charlie de Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe à 17h20. Celle qui nous passera de la musique pour apaiser nos mœurs. Bien que moi, ça me stresse un peu. Vu que je ne connais jamais aucun des interprètes qu'elle nous propose, c'est Mélanie Bauer. Bonjour. Ah bah vous allez le reconnaître, aujourd'hui, il est à côté de moi. Ah, il chante. Le mot du jour, c'est jubilatoire. Revue de presse, donc des différentes facettes de notre référent d'aujourd'hui. Eh bien, à 17h30, notre homme de gauche qui, ce matin, a trouvé que son pays avait un petit peu retréci. Mais c'est joli aussi, la Bretagne. Bonjour, Guillaume Meurice. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Moi, je me suis intéressé aux élections, évidemment, aujourd'hui, et plus précisément à l'abstention. Tous ces gens qui n'y croient pas, qui n'y croient plus. Pourquoi? Parce que je crois même pas en moi. Voilà, des gens avec la grosse patate. Et à 17h40, un homme difficile à cerner. Il est au moins aussi mystérieux que le thème de la chronique qu'il va nous livrer. Enfin non, peut-être pas à ce point-là, puisque lui au moins, on connaît son nom. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Mais bonjour, bonjour à Levez tous. Levez le mystère. On va parler des revolving doors. Ah bah évidemment, bien sûr. Allez, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Vous arrivez à Paris où vous jouez comme guitariste dans plusieurs groupes en 88, quand c'est début de soirée avec Nuit de Folie qui est numéro 1 en France. On imagine donc votre calvaire. Vous sortez votre premier album en 2005, c'est l'année de naissance de YouTube, et vous publiez votre premier roman intitulé Requin en 2015, quand la loi Macron est adoptée, mais pas de comparaison hâtive, et vous êtes. Je suis né le 7 décembre 1970, il y a exactement 45 ans aujourd'hui, ma plus chère. Oui, c'est le moment de faire de sabrer le champagne, n'est-ce pas? C'est vrai? Ouais. Oh, allez-y. Allez, on y va. Allez-y. C'est parti, notre invité, mais on sait pas qui c'est. Mais c'est son anniversaire. C'est Bertrand Belin, bon anniversaire. L'invité, c'est moi. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, Bertrand Belin, on s'était dit, on arrête de picoler pendant cette émission. Ah, et là, mais là, paf, c'est votre anniversaire. C'est de la bonne éducation. On embrasse le CSA très très fort. Oui, oui. Et voilà. Et vous, chez vous, bah, écoutez, c'est lundi, hein, donc si vous démarrez comme ça, je ne sais pas comment on va vous retrouver. Après, avec ce qui se passe. On a déjà un peu France, la gueule de bois, je vous dirais. Oui, c'est déjà le cas. Donc, voilà. Alors, Bertrand Belin, non seulement vous sortez votre cinquième album, qui s'appelle Capoileur, mais aussi vous êtes en tournée dans toute la France et jusqu'en Belgique aussi. Vous êtes, par exemple, le 10 décembre à Dijon, le 15 décembre, Trianon. Mais c'est complet, figurez-vous. Mais aussi, vous serez à Laval, à Rennes ou à Clermont-Ferrand. Alors, Bertrand Belin, votre particularité, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais on vous entend quand même beaucoup sur France Inter, c'est que vous pouvez faire un magnifique morceau, qui est même un tube, avec très peu de mots, répétés, c'est comme ça qu'on vous connaît, des pulsations en pointillés, et vous n'aimez pas le mot minimaliste, vous dites que plutôt vous allez à l'os. Ce que vous faites est plutôt osseux, si j'ai oui, bien j'ai dit. Oui, j'ai dit osseux, j'ai pas dit que j'allais à l'os. Je dis que le résultat donne une chose osseuse, mais ce n'est pas forcément mon but d'aller à l'os. D'accord. C'est le résultat d'une chose qui n'est pas toujours très consciente, si vous voulez, quoi. Quant à la répétition, moi, c'est pas de ma faute. Vous savez, je suis né en 70 et ça faisait déjà pas mal de temps qu'existait la fameuse chanson Frère Jacques, qui n'a rien d'autre que, je peux vous la faire maintenant. Frère Jacques, dormez-vous. Sonnez les matines. Et 70, c'est l'année du chien. Donc, il y a plus de mots dans ma chanson que quel dans Frère Jacques. Bah, en signe chinois, 70, c'est l'année du chien. C'est aller à l'os, tout ça. Oui, je suis chien. Oui. Mais faites la vanne au moment où elle le dit. Parce que sinon, nous, on récupère plus. Oui, c'est ça. On est en apprentissage du c'est aussi mordre les mollets. C'est vrai que vous prenez parfois les chansons enfantines pour prendre du recul sur ça. Mais il y a aussi, est-ce que la chanson Cajun, vous dites aussi que c'est une influence, c'est vrai ou c'est oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Vous savez, on trouve dans la Louisiane une pratique de la langue française qui a suivi un autre chemin, un autre parcours que le nôtre ici sur le continent, sur le vieux continent, parce que elle a été désolarisée un peu de son ensemble, l'ensemble dans lequel on l'a parlé à l'époque, et puis elle a pris d'autres contours grammaticaux, d'autres syntaxes, etc. Ça donne des choses très très belles et très inventives qui reviennent, voilà, dans mes oreilles comme une langue très très fraîche, au contraire, plus qu'ancienne. Et alors, dans le processus créatif, est-ce que vous écrivez et composez plus que ce que vous n'avez au départ, et puis vous défouraillez pour arriver à ce squelette ? C'est un drôle de verbe pour parler de délaguer, mais oui. Oui, élaguer est plus élégant, je vous le conseille. Vous écrivez un texte de 15-20 mots, comme ça pour en revenir aux 4-5 meilleurs ? Non, c'est pas ça. Il s'agit plutôt de percer le silence par quelques mots comme ça, mais je ne vais pas dégraisser, je ne dégraisse pas. Non, je ne dégraisse pas. C'est dans ma nature de faire des chansons avec assez peu de mots, de plus en plus, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre un chemin inverse bientôt, et je vais faire des chansons qui seront des logorées. D'ailleurs, dans le dernier disque, il y en a une qui s'appelle Je parle en fou. Exactement. On ne sait pas pourquoi, elle est tout à coup, on pourrait presque la qualifier de bavarde. Et alors, en néophyte, j'ai remarqué que comme le texte est très fourni par rapport aux autres, le rythme est beaucoup plus rapide. Oui, j'aurais dû la défourailler. Je n'ai pas pensé à temps à la défourailler. Alors, vous êtes aussi présenté comme un chanteur, smart, un poil bobo, etc. Alors que vous venez d'un milieu qui n'est pas forcément favorisé en Bretagne, près de Quiberon. Et je lis notamment, je pense que c'est dans un portrait de Libé, le néo-prolo devenu Sparte. Alors, je me suis dit, est-ce qu'en devenant chanteur, vous êtes devenu un peu quelqu'un d'autre ? Bon, il n'y a pas que, enfin, ce qui me différencie de ce que j'étais enfant, c'est pas mon métier, hein. C'est bien des choses, vous imaginez. Évidemment, je suis pas le même que quand j'avais 12 ans, hein. C'est sûr. Quant à la question d'être ceci ou cela, bon, je sais bien, il faut commenter. Vu de l'extérieur, on peut être n'importe quoi et tout pour les autres, hein. Moi, j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 13 ans. J'ai fait des concerts tout de suite. J'ai joué au Printemps de Bourges, j'avais 15 ans. Mmh. Je suis en effet d'une famille assez modeste, c'est vrai, encore que j'ai toujours mangé à ma faim. puis après, je suis arrivé à Paris, j'ai habité dans le 20e, c'était mon rêve. J'avais 18 ans. Je travaillais dans les fruits et légumes et je payais mon loyer comme ça. Je faisais des concerts dès que je pouvais. Et j'habite toujours dans le 20e, je suis toujours musicien. Mais seulement aujourd'hui, je suis devenu un bobo. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il se trouve que c'est comme ça, quoi. Vous aviez un chien quand vous étiez jeune ou pas du tout ? Il y a eu un chien, mais j'ai le regret d'annoncer. Mais aux auditeurs de la France entière, que ce chien qui s'appelait Chocolat, d'ailleurs, en hommage à lui, je me suis acheté une tablette de chocolat aujourd'hui pour penser à lui, c'était un épagneul qui a cramé dans un incendie. Maison dans laquelle je me trouvais également. Ah, oui. Et l'obsession de la mort, cher Bertrand Belin, ça revient beaucoup. Mélanie Bauer, oui, comment vous définiriez, vous qui êtes spécialiste, moi qui suis néophyte, mais voilà, ce qui est si particulier chez Bertrand Belin et cette voix tellement posée, profonde, avec toute une chronique qui arrive dans quelques minutes, mais si vous... Voilà une question à Bertrand Belin. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec son travail, vous disiez, c'est très peu de mots, mais très peu de mots, ça laisse de la place à la musique, et c'est la musicalité, et c'est l'univers qui est mis en place pour nous, pour qu'on puisse rentrer et trouver notre propre mystère dans sa musique. C'est ça qui est extraordinaire. Chacun complète. Ça pourrait être dans votre texte par son imaginaire, par son expérience, surtout. Oui, je pense. Oui, enfin, c'est ce que j'aimerais. C'est une forme d'idéal pour moi. C'est comme ça. J'aime m'approprier les chansons des autres. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas un peu un truc de feignasse finalement? Je pourrais pas vous dire si c'est précisément une chose de feignasse, mais je ne pourrais pas vous dire non plus le contraire. Souvent, j'ai remarqué que j'étais une sacrée feignasse. Bertrand Belin est avec nous. On écoutera tout à l'heure Entre les ifs. Je suis à la chronique de Mélanie Bauer qui nous attend. Vous êtes sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout. Bon anniversaire Bertrand Belin. Ah oui. Merci. Singers, I'll Take You There, c'est le standard qui ouvre l'émission. C'est beau, c'est beau. Programmé par Djoubaka, notre programmateur musical sur France Inter. Et nous sommes en compagnie de Bertrand Belin. Il nous présente son cinquième album qui s'appelle Cap Waller. Mélanie Waller-Bauer nous en parlera tout à l'heure. Et Bertrand Belin est en tournée le 28 janvier à Clermont-Ferrand, le 15 mars à Limoges ou le 16 mars à Arles. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Bien, Mélanie Bauer, vous l'avez ôté, mais il m'en reste deux. Il me reste du Hippolyte Girardot et du Guillaume Meurice qui s'éteint. Intéressé aux abstentionnistes, et j'imagine que vous en avez trouvé assez facilement. J'en ai trouvé pas mal. Et ben voilà, sur deux, pendant 10 minutes. Allez, les maîtres mots là sont du contenu, de la nouveauté, du contenu, de l'information. Bien sûr. Allez. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par le contenu des titres. Mais les titres, bien sûr, élections régionales en France. Daesh revendique les bons résultats du Front National. Pour faire barrage au FN, le PS se retire de 3 régions. Savoir se retirer à temps, les socialistes ont bien retenu la leçon de l'époque Strauss-Kahn. Et il y aura aussi des brèves, parce que des idées courtes et qui font rire à la fin, c'est un peu un hommage au Front National. La France s'est donc teintée de brun ce dimanche, sans doute en l'honneur du dernier caleçon de Jean-Marie Le Pen. Il y a bien sûr des régions qui échappent à cette vague, la Bretagne notamment. Oui, hein, comme quoi il faut aussi louer les avantages de l'alcoolisme. Bah non Alex, justement, quoi, ça veut peut-être dire que la lucidité des Bretons vient du fait qu'ils boivent pas. Passons à la région Grand Est. Oui, la région Grand Est, où vraisemblablement le schnapps n'a pas le même effet électoral que le cidre breton. Nadine Morano estime qu'elle aurait pu être un rempart contre le FN dans le Grand Est. Voilà, et sans vouloir déflorer le secret des urnes, on peut imaginer que Nadine a voté un bulletin de race blanche. Et sur les plateaux télé, les représentants du PS, comme des Républicains, n'ont cessé de repérer ce qu'ils avaient qu'ils avaient entendu le message des électeurs. Ah, on est sauvés, ils ont entendu. En fait, le problème, c'était ni le chômage, ni la sécurité, ni l'immigration, c'était la surdité. Voilà. Et ça va donc aller beaucoup mieux de ce matin, d'ailleurs, je pense. Et on terminera ce chapitre élection en rappelant que ce week-end, c'était aussi le Téléthon. Oui, continuez donc à donner, car on voit au résultat des urnes qu'il reste encore pas mal de handicaps en France. Santé avec un article du Figaro. Oui, article qui dit que quand le patient donne son avis, son médecin le soigne mieux. Il s'agit donc de choisir de s'impliquer pour mieux se soigner. Voilà, on espère juste que les patients ne seront pas abstentionnistes. Hein, comme ça, si on ne s'implique pas, on reste malade. Culture à présent, on se rend au salon Art Basel d'art contemporain à Miami. Oui, Art Basel, alors c'est une délocalisation du salon à Miami. Et le public a confondu une scène de crime avec une performance artistique. Une femme a porté des coups de couteau au cou et au bras d'une autre femme. Le public et les artistes, témoins de la scène, ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une performance. Et quand la police et les cours ont débarqué, certains pensaient toujours assister à un spectacle artistique. Voilà, et en entendant ça, Guy Georges a demandé immédiatement être considéré comme un intermittent du spectacle. Sport à présent en Allemagne. Oui, un joueur de football allemand de Division 2 ayant tenu des propos misogynes a purgé sa peine. Il a été obligé d'arbitrer un match de football féminin. Si Benzema était allemand, il l'aurait sans doute condamné à être perchiste dans un porno. Ne me parlez pas de porno allemand, ça me rappelle beaucoup trop de choses. Et on termine par une brève de qualité, bien sûr. Oui, une brève de qualité. Je vois même pas pourquoi vous posez la question, je vais vous présenter un site internet que j'ai découvert, Moe's Mingle. C'est un site de rencontres fait pour les fans de Walt Disney. Formidable, Alex. Formidable. Les fans peuvent donc se retrouver entre eux et faire des petites annonces. Vous en avez, bien sûr. Bien sûr, j'ai ici Georges Tron 22, cherche fan de Cendrillon pour tester différents types de chaussures. J'ai Simplet 69, je suis nécrophile débutant, je recherche admiratrice de la Belle au Bois Dormant. Oui. Et enfin, Jean-Luc Lahaye 01, je suis fan de Peter Pan car moi non plus je ne veux pas grandir, je cherche une Wendy pour lui montrer mon Dumbo. Formidable, merci. Nous voilà mieux informés. Oui. Et bien être informé, c'est aussi bien voter. Et c'est ça qui est essentiel. Ah, donc c'est de notre faute. Alors. Je le prends pour moi. On est ensemble jusqu'à 18h avec Bertrand Belin. On va chercher le citoyen qui est en vous aussi. Le breton aussi, hein, de Quiberon. Déjà, félicitations. Oui, j'ai grandi à Quiberon. Oui. Eh oui. Alors, bon, le sujet 1, c'était prévu, hein, mais ça se confirme. C'est donc la chienlit. Voilà. C'est Coluche qui disait que le coq était l'emblème de la France parce que c'est l'animal qui continue à chanter avec les pieds dans la tute. Ouais. Ben voilà, c'est ça. 14 juin 1940. L'armée allemande occupe Paris. Tous les Français devant leur TSF sont à l'affût de la moindre nouvelle. Quand même, ils avaient vachement du cran, les résistants français. Mmh. Se taper des récits talentiers de Maurice Chevalier. Ah. Tu sais, franchement, je me demande parfois si moi, je résisterais sous la torture. Toi ? Tu rigoles ? Si la Gestapo te prenait ta carte de crédit, sois tranquille, tu dirais tout, ma belle. Ah. Ce film me donne mauvaise conscience. Bien sûr, c'est fait pour ça. Un extrait de Annie Hall, premier chef-d'œuvre de Woody Allen. Alors, vous vous êtes réveillé comment ce matin, vous, Bertrand Belin ? À moins que vous ayez découvert le poteau noir hier soir déjà. À moins que vous soyez électeur du Front National. Hier soir, j'ai déjà regardé les résultats vers 21h après avoir regardé un épisode de Columbo. C'est vrai que ça nous ramène à certaines époques, mais peut-être c'est pas fou, Colombo. J'ai fait la même chose, c'est vrai. Oui, mais c'est en ce moment, c'est un mouvement comme ça. C'est-à-dire que vous avez pris connaissance des résultats devant la télévision avec les soirées électorales. Oui, je voulais attendre une heure où les scrutins étaient bien dépouillés pour être pas trop en train d'attendre fébrilement que la courbe s'inverse dans un sens tout à fait inverse. Et un problème. C'est ça. Un rêve qui ne s'est pas réalisé. Ouais. J'ai ensuite ce matin, je suis endormi quand même. Un petit peu. Hein. Vous avez réussi à dormir. J'ai dormi, empêché. J'étais fatigué parce que malheureusement je suis rentré de voiture de Biarritz hier, j'ai fait toute la route qui m'a privé malheureusement du vote d'hier. Vous savez qu'il existe une procuration, je hein. sais, vous engagez à le faire. Bim, le premier reproche. Je devais arriver à l'heure et je ne suis pas arrivé à l'heure, les aléas de la route. Non, puis ce matin j'ai regardé sur le journal la couleur de la carte de France et ce qui m'a frappé d'abord c'est la manière dans laquelle se détachait la péninsule armoricaine. Tout à fait. Et j'ai d'abord eu un spasme presque en pensant que j'étais devant, si vous voulez, le négatif de ce que c'est en réalité, quoi. Oui. Mais non, c'est tombé du bon côté. Non pas que la situation ne soit pas désastreuse, néanmoins, mais c'est une petite satisfaction qui est bien modeste, mais néanmoins qui m'a fait un petit peu quand même du bien ce matin devant cette catastrophe, ce que je considère comme une chose assez catastrophique, oui, vous en conviendrez. C'est vrai qu'en étant en Bretagne, on respire un poil quand même plus. Quand non, on mais découvre... je ne suis pas surpris. Je suis. On peut voir sur cette carte, quand on descend un petit peu du côté là, de Pontivy, des choses comme ça, ça se gâte un petit peu. mais alors, regardez l'état là, regardez. Oui, vous avez la une du. Vous avez le monde. Une couche qui a craqué quand même là. Ouais. Oui, ça a bien craqué, on vous le confirme. Alors, il y a un deuxième tour. Oui, heureusement, il y a un deuxième tour. Alors, il y a des candidats socialistes qui se désistent lorsqu'ils arrivent troisième, pour mettre toutes les chances du côté de la démocratie, de la République. On leur a même conseillé de se désister. C'est une directive nationale, en effet. Mais les Républicains, eux, ont décidé de se maintenir. Il y a aussi, un candidat PS qui est arrivé troisième, mais qui ne veut pas se retirer. Il s'appelle Jean-Pierre Masseret. Alsace, Champagne, Ardennes-Lorraine, il a dit ah non, moi je ne me retire pas. Ce sens du sacrifice, parce qu'il faut l'entendre comme ça d'après les éléments de langage du PS, se retirer ou ne pas se retirer, sont deux méthodes. Il y en a une que vous validez et l'autre pas ou... Non, je revendique le droit entre citoyens de me trouver, si vous voulez, à la croisée des chemins par rapport à cette question difficile. Bien sûr, il y a des intérêts qui divergent, quoi. Le suffrage, c'est quand même un moyen, disons, impérieux qu'a trouvé la démocratie pour pouvoir s'appliquer, n'est-ce pas ? On vote pour des choses auxquelles on croit, non pas contre des choses auxquelles on ne croit pas. Mmh. Et bien sûr, ce n'est pas non plus, cette deuxième option n'est pas non plus rien. Mais enfin, quand même, la question se pose, quoi. Notamment pour les partis qui comme les écolos ou le parti de gauche, par exemple, disons, on voit bien, ont des scores assez petits au premier tour auxquels on pourrait dire un beau jour. Que ça serait dommage de voter pour eux dès le premier tour pour faire des scores encore plus petits. Donc on donne une idée un petit peu de la pente glissante sur laquelle on se trouve. Mmh. Enfin, ça, c'est une chose qu'on sait depuis longtemps. Alors là, ils sont aussi victimes de leur stratégie néanmoins, de pas d'alliance. Voilà, néanmoins, une forme d'intuition qui, par nature, est assez difficile à expliciter, me conduit à penser que si on doit s'organiser pour que les prochaines élections présidentielles ou les prochaines régionales inverse la tendance, il va falloir quand même un peu se battre un petit peu dans les préparations aux prochaines échéances, quoi. Et est-ce qu'on veut se battre pendant que le FN dirige les régions ou est-ce qu'on veut se battre pendant que LR dirige les régions, par exemple ? C'est une question qui, je ne sais pas, peut-être se pose. En tout cas, voilà, mon intuition me conduit à tout faire pour que le FN ne soit pas en charge seul des régions, quoi. Vous arrête plus sur le sujet, Bertrand Bonin. Il y a un citoyen engagé en vous. Non, mais j'admets que j'écoute les tout ce qui se dit à ce sujet et je trouve c'est assez draconien. Alors bon, je suis un chanteur de variété, je ne passe pas toute la journée à faire des analyses politiques. J'en suis là aujourd'hui, quoi. Non, mais vous êtes citoyen vigilant, on va dire, et observateur. Et on va repasser justement à votre musique. Chanteur de variété, vous dites, vous êtes d'accord, Mélanie Bauer ? On va y revenir. Alors, je vous laisse dérouler votre chronique sur notre invité Bertrand Belin. Bah, justement, de grands élans poétiques, des jeux de mots, des références littéraires, de la peinture. À chaque journaliste son Belin. Comme pour ses chansons, revendiquées floues pour laisser le champ libre à l'imagination, les rencontres avec l'artiste laissent transparaître un charme évanescent, une pudeur qui permet à chacun d'y fourrer ses fantasmes. Pour Paris Match, Bertrand Belin, c'est l'austère qui se marre. Je cite... Avec son physique de jeune premier, on l'imaginerait dans des émissions de variété, on y vient, prête à faire roucouler les dames ou papillonner les jeunes filles. Mais Bertrand Belin n'a pas le même rapport à la musique que Florent Pagny ou Pascal Obispo pour Paris Match. Mais rassuré. Ah bah non. Enfin, il nous disait quand même qu'il allait faire danser avec les stars. Ça se confirmerait, ça. Car Florent Pagny ou Pascal Obispo, ce sont des chanteurs à minette qui roucoulent, alors que vous, bah, vous êtes aussi beau qu'eux, hein, c'est important de le préciser. Plus mais beau quand même. Bah, c'est pas pour Paris Match. Ah bah. Mais vous ne cherchez pas à plaire. D'ailleurs, quand vous allez reprendre Patrick Coutin pour le Figaro, vous pensez à la plage avant de penser aux filles. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, sur leur peau le soleil caresse bien trop sage, le vent qui les décoiffe au goût de sel sur mes lèvres. Ça c'est donc le son Belin. C'est vrai que c'est pas aussi sexy qu'Obispo, hein. Mais c'est pas mal. Pour Slate, vous êtes le Mondrian Rock, le peintre néerlandais Mondrian. Attention, minute Wikipédia. Hein. Mondrian, dont la réputation s'est construite dès le début de sa carrière selon une représentation transcendante de l'image, en particulier dans le paysage, basé sur l'épuration radicale du tableau. C'est Vicky, hein, c'est pas tout moi ça pour qui dire qu'il peignait des carrés. Hein. Ouais, c'est ça. Transparent avec les gens. Pour Slate. Donc, Cap Waller, le quatrième album de Bertrand Belin, bon, à un album près, on y était, sonne comme une quête formelle vers l'abstraction musicale. Oui, mais avec un déhanché de rocker quand même, son Altesse. Là, il y a une influence musique. De Murat quand même. Oh là là. Ouais, j'avais même pas encore chanté qu'on avait dit ça. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec la voix, le texte, j'imagine. Alors c'est pour le texte, pour la musique. Ouais, il y a de la guitare et de la batterie, c'est vrai ça. Oh, bah. C'est ce qu'on dit à Jean-Louis Murat, t'as une guitare, t'as une batterie, mais tu nous fais un morceau. C'est ça. Alors c'est vrai, on comprend pas tout, mais c'est beau. Avec Libération, où vous êtes le bel hydre en mer, là on se dit, oh là là, va me falloir bien plus que Wikipédia pour comprendre quelque chose à ce disque. Je cite, dernièrement, le disciple de l'écrivain poète traducteur suisse vaudois Philippe Jacotet, de son principe de l'image dérivante, s'est régalé avec Apologie de Socrate de Platon. Il en dit, percevoir la structure de la pensée est délicieux. Puis, d'enfoncer le clou en expliquant, depuis, Belin s'est plongé dans Goethe et s'est réflexion sur l'art, ses autres compagnons de route, Henri Michaud, Jérôme Ferrari, Pierre Autin-Grenier. On a perdu Paris Match, hein, et les chanteurs à minette. Une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. Alors heureusement... Pour l'humanité, vous redevenez un prolo autodidacte, ce qui vous rend un petit peu plus accessible. Bertrand Belin... Ce n'est pas absolument pas antinomique, ma chère. Absolument pas. Bertrand Belin met le cap sur le mystère pour l'humanité. Après Parc, le songwriter originaire de Quiberon en Bretagne revient avec Cap Waller, un lieu pas vraiment défini, inspiré du nom de Hugh Waller, musicien de Sheffield en Angleterre, où il a enregistré son album. C'était un chanteur exceptionnel avec un répertoire magnifique, des musiques de lutte, d'ouvriers, on y est, on est dans l'humanité. Bertrand Belin, le Breton déraciné, buriné, mystérieux, qui honore ses pères, vive la Bretagne, vive la gauche. J'ai d'ailleurs... C'est son petit côté Bernard Lavilliers. Arrêtez de le comparer, ça, en merde. J'ai d'ailleurs trouvé... Ça l'agace un peu, non ? Bien sûr. Le mais je comprends. Ça. J'ai d'ailleurs trouvé, merci de me laisser finir ma chronique, un hommage à votre ami, le folk singer, dans le Sheffield Telegraph d'avril 2014. Sa femme, Sue Taylor, déclarait à son propos, en plus d'être un maître de son art, il était une personne discrète, il adorait chanter et jouer. Son répertoire allait des ballades traditionnelles anglaises aux Rolling Stones. On sent l'affiliation. Il n'y a pas encore la guitare. C'est l'influence de Dan Arbraz. C'est Patrick Walker et donc Hugh Waller, c'est dans un pub. Oui, je connais Patrick aussi, j'ai déjà vu jouer. J'étais pas présent pendant l'enregistrement, mais j'ai assisté à beaucoup de sessions dans ce pub, ouais. Au Fagen's pub. Exactement. Enfin, c'est plutôt Robert's Dog, mais c'est pas grave, on n'était pas loin. Cet enregistrement-là, mais moi je les ai vus très souvent au Fagen's pub. Alors, pour résumer toutes ces perches lancées, pour tenter d'expliquer pourquoi le Belin est Belin et pas Arthur H., Jean-Louis Murat ou Bachung, je serais tentée de vous conseiller Francis Lalanne. Simplement d'écouter Cap Waller sur une route de campagne en voiture, ou bien en préparant le déjeuner du dimanche en famille, de prendre ce disque comme une parenthèse poétique dans votre quotidien, de le porter comme un châle au coin de la cheminée. À Londres, même on peut taper me lever le doigt, loin en bas, le barrage et son fracas, de là la rumeur vient de là. D'entre les ifs, la rumeur vient de là. D'entre les ifs, j'ai pris le fusil et le vin. On ne sait pas bien comment va le haut du haut du pays. On ne sait rien. Entre les ifs, hier déjà le silence pesait son poids. La rumeur vient de là, d'entre les ifs. La rumeur vient de là, d'entre les ifs. J'ai pris le fusil et le vin au creux de ma main. Un lac, soudain, on ne sait pas bien comment on va le haut du pays. On ne sait rien ici entre les ifs. Garde-vous fixe, garde-vous. Frelésif, Bertrand Belin, qui est notre invité. Merci Mélanie Bauer pour cette chronique. De rien. Qu'on peut réécouter sur franceinter.fr. Bertrand Belin, ce titre, vous pouvez l'écouter sur son album Capoileur ou en live le 10 décembre à Dijon, le 17 décembre à Massy, le 21 janvier à Laval, et puis il y a Rennes, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Limoges, Arles, Nancy. Et vous étiez à Mulhouse ce week-end. Tout à fait. Eh oui. Ça a bien aidé les élections, mon petit gars. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. C'est vrai. Ça s'appelle une transition. C'est juste pour dire c'est à vous. Il est 17h41 à Quiberon et à Paris. Et c'est l'heure du moment Iris. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fait. Ils ont encore gagné. Le premier parti de France est le même depuis pas mal de scrutins. C'est bien évidemment l'abstention. Et oui, près d'un citoyen sur deux n'est pas allé voter hier. Alors, c'est vrai que c'est pas simple de sacrifier une partie de son dimanche. On est scotché devant la télé. Le matin, il y a le jour du Seigneur. Il y a du suspense, hein, on ne sait jamais si le gars va ressusciter. L'après-midi, il y a Michel Drucker, hein, il y a du suspense, hein, on ne sait jamais si le gars va rester vivant. Et puis, il y a plein d'autres trucs à faire un dimanche. D'ailleurs, le soir, il y a Columbo, apparemment. Le soir, il y a Columbo, il y a du suspense aussi. D'ailleurs, je suis allé dans un parc hier après-midi, moi, à Paris, à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi de ne pas faire de choix électoral parce qu'ils avaient mieux à faire. Bah, je vais profiter du parc. Je suis pas venu là pour parler de politique, je suis là pour me détendre. Non mais je sais bien, mais c'est juste, ça m'intéressait de savoir pourquoi vous n'allez pas voter, c'est tout, c'est pas du tout... J'avais pas d'autre but. Oui, ben, je viens de vous dire que ça m'intéresse pas. Je vais pas vous le dire 36 fois. Oui, alors faut pas trop l'emmerder non plus, cet abstentionniste. Il est venu pour se détendre, mais je crois que je l'ai un petit peu retendu pour le coup. Bon, c'est un abstentionniste qui n'aime pas trop s'exprimer, au moins ça c'est cohérent. Mais il y a des abstentionnistes qui aiment bien s'exprimer sur la politique, et ceux-là, ce sont évidemment mes préférés. Ils me font penser aux acteurs porno qui parlent de romantisme, ou aux curés qui parlent de sexualité, avec des personnes majeures et consentantes, hein, j'entends. Et souvent, ce sont ces abstentionnistes qui ont un avis bien tranché sur la question. Exemple. Toute la même merde. Tous la même merde. Ni l'un ni l'autre. Alors comment on va faire pour changer les choses? Vous ne croyez pas que je vais voter pour Sarkozy, non? Ah bah, il se présente pas là au régional. Bah heureusement. Oui, bah heureusement qu'il s'intéresse un peu à la politique, celui-là. Alors comptez pas sur moi pour défendre Sarkozy non plus, hein, il y a des limites. D'ailleurs, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour les électeurs de région PACA, hein, qui ont le choix au deuxième tour, entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen. Ça me fait penser aux fameuses questions cornéliennes, vous savez, est-ce que tu préfères avoir une jambe en mousse ou le portrait de Robert Ménard tatoué sur la joue? Est-ce que tu préfères te passer les testicules au chalumeau ou rouler une pelle à Nadine Morano? C'est pas facile, c'est compliqué. Bon courage, hein, les amis de PACA. Et revenons à ce non-électeur, on a bien compris pourquoi il votait pas. Pardon, parce que je cite, c'est tous la même merde. Mais alors, pourquoi lui, il ne se présente pas? Ah, je suis pas assez intelligent. Bah, vous avez l'air intelligent quand même. Alors, pas assez intelligent pour faire ça. Mais alors, ceux qui se présentent, ils sont intelligents, ça veut dire? Bah oui. Vous disiez que c'était de la merde. Ah oui, mais c'est de la merde. Bon, ils sont intelligents ou c'est de la merde? Je comprends plus rien. Égalité, fraternité, rien. Bon, alors je sais pas si ça c'était son slogan. Mais enfin, on peut constater qu'au pays des Lumières, certains sont pas tous branchés sur le secteur quand même. Après, il y a d'autres raisons qui poussent les gens à ne pas aller voter. Par exemple, celle de cette dame. Il y a tellement de blablabla que on promet beaucoup pour avoir les voix. Et on les achète, comme en Corse. On fait voter les morts. Ah, vous pensez là qu'il y a des morts qui vont voter? Oh, c'est connu. Dans toutes les politiques. Et du coup, vous êtes trop vivante pour voter? Moi, quand c'est comme ça, basta. Basta, ouais, comme on dit en Corse. Hein, je voulais pas non plus qu'elle me claque dans les pattes, hein, et qu'elle rejoigne les électeurs de Tibéri. Tibéri que les abstentionnistes peuvent remercier d'ailleurs, hein, au passage, ainsi que les Balkany, Guéant, Cahuzac, j'en passe, et même des pires, qui ont beaucoup contribué à la victoire de l'abstention dans les urnes. Bravo les gars, continuez comme ça. Alors, il n'y a pas que les presque morts, hein, qui s'abstiennent, il y a également beaucoup de jeunes. Je suis donc allé voir un jeune pour en savoir plus. Écoutons son explication d'une simplicité limpide. Il se trouve que je peux pas, quoi. J'ai une réflexion. Je dirais que d'un côté, il me semble que c'est une responsabilité de voter que j'exerce pas quand je vais voter, mais que je trouve au final tellement importante que c'est ma responsabilité de pas voter en fait devant les hommes politiques qui sont face à nous, quoi. Donc vous êtes irresponsable selon vous? Non, justement, j'essaye d'exercer ma responsabilité en ne votant pas, si ça peut avoir du sens, quoi. Oui, bah ça n'a pas vraiment de sens en fait, hein, ce que tu dis. Mais c'est vrai que la démocratie, c'est pas simple, hein, surtout pour les jeunes qui s'intéressent pas à la politique. On peut pas voter par SMS comme pour Nabila, c'est compliqué, hein. Et puis ni Valérie Pécresse ni Claude Bartolone n'ont prévu de se faire refaire les seins, hein, donc ça va pas du tout. Résultat, 76% d'abstention chez les 18-24. Et la démocratie, c'est pas seulement compliqué, c'est comment, selon cet autre non-électeur? Chez Mollasson, il n'y a pas de grande idée, il n'y a rien. Regardez par exemple les pays arabes du temps de Moubarak. du temps de Kadhafi. Ça marchait. Mais oui, ça marchait. Ça marchait. Il vaut peut-être mieux qu'ils aient pas bossé. Des fois, on se dit, mais oui, mais c'est vrai, il a raison, ça marchait. Bon, sauf quand il t'éclatait les genoux à coups de matraque ou la tête à coups de 9 mm. Là, ça marchait beaucoup moins bien. Mais le reste du temps, ça marchait. Et comment ça marchait, selon ce même abstentionniste? Tout le monde fermait sa gueule. Si ça travaillait, ils n'étaient pas plus malheureux ni malheureux qu'avant. Hein. Alors, il faut une bonne dictature? Je crois, s'il y avait une dictature éclairée, ah, éclairé. Ah. Ben oui, de genre réaliste. Qui pourrait éclairer la dictature aujourd'hui en France? Moi. Et ben voilà. Ah ben oui, ben voilà, moi je voulais trouver votre homme providentiel. Il a même comme modèle Moubarak et Kadhafi. On est sauvés. J'ai quand même bien peur que si vous continuez à ne pas donner votre voix, celle-ci sera irrémédiablement sans issue. Merci Guillaume Meurice. On est ensemble jusqu'à 18h avec Bertrand Belin. Autour de la table, il y a Mélanie Bauer, Hippolyte Girardot, Alex Vizorek. Bien sûr. Et on va aborder le deuxième sujet avec vous, Bertrand Belin. Un sujet, je suis certaine, qui va vous inspirer très très fort. On cherche des solutions, donc attention, concentrez-vous. Ah bah oui, oui. Le fisc étudie la possibilité de payer des indics. Ah, j'ai une solution. Ah oui ? Alors attendez. Je vous laisse attendez, finir. Gardez-la, finir. Oui. Toute personne qui fournit des informations permettant de débusquer une évasion fiscale sera rémunérée. C'est à l'étude, hein, c'est pas encore fait, mais enfin, on ignore surtout si la prime versée à l'indic sera exonérée d'impôts. Ah oui, mais qu'en est-il ? Vous avez été saisi récemment ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs, comme si on avait retiré des tableaux. Bah, il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable, Lucien. Vous êtes venu pour l'aider ou pour le contrôler, monsieur Cheval ? Mais non, il est venu pour l'aider, hein, Lucien. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit, la poussière autour. Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Sois pas modeste, Lucien, t'en as quoi, c'est d'autres des fraudeurs. Je m'en fous, François, c'est affreux, mais je m'en fous. De quoi, Lucien ? Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous. Oh là, il faut que tu te reprennes, toi. Rentre vite chez toi, prends une bonne douche, il faut que tu te reprennes. Un extrait du Dîner de cons avec l'ermite Villeray, Prévost. Donc, le fisc propose de payer les gens si jamais vous avez une information pour lever alors des grosses évasions fiscales. Hein. C'est pas la petite évasion, c'est la grosse évasion. Des lanceurs d'alerte ou des délateurs. Vous voyez ça comment, Bertrand Belin ? Vous avez une solution, pas, vous ? Ouais, non, j'ai pas vraiment de solution, mais je peux reconfigurer le problème si vous voulez. Ah, reconfigurons. Déjà, j'ai appris que c'était une chose qui se pratiquait déjà, mais qui n'était pas vraiment encadrée. C'est donc vrai. Il s'agit de l'encadrer, là. Donc, ouais. Il y a 10 ans, on pourrait ça penser qu'il y a un mieux, du coup, dans cette problématique de la délation. C'est de la délation, mais en mieux. Quoi. Ah, là, bah alors ça va. Donc oui. Voilà. Hein, oui, ça va mieux. Non, là, c'est la question que je me posais, c'est bon, on va dépenser de l'argent pour rémunérer ces gens qui vont peut-être oui. être devenir mais des mais vont en rapporter à l'État quand même. Oui, oui, mais attendez, c'est pas fini, pas fini. Ah. On va dépenser de l'argent pour rémunérer des gens qui vont dénoncer, peut-être parfois à raison, mais des fois pour des motifs un peu plus, disons, hein, viscéraux, quoi. On va oui, dire oui. Mon voisin, depuis le temps que je l'aime pas, je vais le dénoncer. On verra bien si ça donne quelque chose. Pendant ce temps, on va faire du temps à l'administration. Hein, donc déjà, la délation, ça vous la porte à tout et n'importe quoi. Donc, je me positionne contre. C'est courageux. D'autre part, l'argent qu'on va dépenser pour rémunérer des gens auxquels on n'a pas vraiment officiellement demandé, avec lesquels on n'a pas signé de contrat. Hein. Ah, oui. Ils ne sont pas obligés de le faire, c'est s'ils veulent, ils peuvent dénoncer. Bon, c'est problématique. Alors, avec cet argent, on paye des gens avec lesquels on a un contrat. Et ça fait des gens qui dénoncent au fisc, donc à leur employeur, des malversations et des mauvais comportements hein, de grandes entreprises, ouais. etc. Donc là, ce sont des gens qui sont donc payés par le fisc pour trouver les fautifs. Et les gens auxquels on demande, chez les citoyens, c'est des gens qui sont payés par le fisc, auxquels on demande de faire quelque chose pour les caisses de l'État. Donc on demande exactement la même chose aux deux. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire hein ? Établir un contrat ? Ou ne pas établir de contrat. Non, moi je pense qu'il faut rémunérer au pourcentage, quoi. C'est pas compliqué. Si t'as une grosse affaire, à mon avis, t'y vas parce que tu vas toucher un pourcentage. Là, y a si c'est une affaire, on va pas y aller. C'est ça la délation. Ça s'organise comme ça. Ça s'organise avec du désir, de l'envie. Il faut être vorace, quoi. C'est l'idée de la délation. Je vous sens en phase avec Bertrand Belin, qui a beaucoup d'acuité sur le sujet. Mais vous aussi, Hippolyte Girardot, prouvez-le tout de suite. Ah oui. Sur le sujet. Avec bon, non, parce qu'en fait, j'ai cherché le titre de ma chronique, allez, je l'ai trouvé, et ça s'appelle « Le silence des burnes ». Parce qu'il faut que vous compreniez, chers amis, et chers auditeurs d'ailleurs, que l'émission de mardi dernier avec Venantino Venantini a changé la donne. Il y a un avant et un après VV. Je me suis dit, mais alors tout est possible. Parce que pour flinguer le tonton, il flingue. Que dis-je, il explose, il pulvérise, il anéantit, il défouraille largement le Valentino. Merci, Valentino. Tu m'as farté les skis, tu m'as lubrifié l'engin. Grâce à toi, je suis une femme libérée. Une femme? Alex me regarde d'un autre œil. Oui. Non, Alex, non, je ne suis pas devenue une femme, mais j'ai subi. Samedi, ce qu'on appelle une intervention chirurgicale, dont le nom m'a fait croire que je pouvais en être une de femme. Les spécificités de la langue médicale nous réservent toujours des surprises, bonnes ou mauvaises. Je savais que notre invité était Bertrand Belin, à qui je souhaite un bel anniversaire, ainsi qu'à mon fils Sven, né le même jour que vous, et non Guillaume, pas la même année exactement. Bon, j'ai acheté son bouquin qui s'appelle « Requin » pour accompagner ma journée en chirurgie ambulatoire. C'est un bouquin assez léger d'ailleurs, dans la main en tout cas. Pas de peau, ça raconte un type qui se noie, qui meurt et qui nous raconte ça. Merde, juste avant d'entrer dans la clinique, c'est pas de chance. Surtout que la veille, j'avais vu Mia Madre de Nanni Moretti, un film extraordinaire et indispensable que je vous recommande, dont le sujet était, c'est le détail qui compte dans la chronique, la mort de la mère de l'héroïne. Je trouvais ça moyen comme coïncidence quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je réponde à la question dans le questionnaire quand tu rentres. Qui prévenir en cas de problème? Comment ça en cas de problème? Oh merde, je crois que j'ai mis votre téléphone, Charline, parce que je me suis dit, la chronique de lundi, c'est foutu, quoi, si j'en sors pas vivant de cette affaire. En échange, j'ai reçu un code barre. Alors, être réduit à un code barre en 10 minutes, croyez-moi, ça encourage à foutre le camp. Mais quand on est en peignoir de papier, on m'aurait juste enfermé. Donc, je suis resté code barré, paquet cadoté, on m'a posé sur un brancard. Et là, c'est le choc, le vrai choc visuel. Je vis, je vois le plan qu'on voit dans tous les films. Ce putain de plafond qui défile avec les néons là, avec le brancardier impassible qui te pousse et les autres brancards qui te frôlent. Tu sais même pas s'il y a des morts ou des vivants à l'intérieur. Je me retrouve dans l'ascenseur, le brancardier tombe sur une copine et se met à la draguer ouvertement, comme si j'étais pas là. Mais je ne le gêne pas, puisque quelque part déjà je n'existe plus pour lui. On sort de l'ascenseur, on me met au parking où stationnent déjà trois brancards, séparés par des petits rideaux. À peine posés, on me redemande mon nom, ma date de naissance, mon adresse. Mais pourquoi? J'ai pas eu un code barre? Oui, c'est pour savoir si c'est vraiment vous, monsieur. Hein? On voudrait pas se tromper d'opération. Vous voyez ce que je veux dire? On sait jamais. Je me dis donc, le code barre, on le fait, mais ça sert à rien. C'est comme les fiches S. On vérifie jamais. C'est trop chiant, voilà. Et on m'emmène dans la salle d'opération où je me retrouve face à un monstre, un énorme robot de 3 mètres de haut, 3 de large. On voit mon air perplexe, étonné, pour tout dire effrayé. Et on m'explique que ce robot opère à distance et est dirigé par un chirurgien derrière cette petite console là, monsieur. Oui, c'est ça, c'est un joystick. L'image est en 3D et c'est très précis. Ah bon? Mais moi, quand je vois mon fils éclater des bagnoles avec son joystick dans la vidéo GTA, je sais qu'un geste incongru est toujours possible. Mais elle me dit que pour moi, de toute façon, on fera à l'ancienne. Du genre, vous voulez pas le coup qu'on fasse suer notre robot, monsieur. Unique à Paris, monsieur. Eh bien, tant mieux. C'est tant mieux. Quand enfin arrive l'anesthésiste, elle est trop belle. Elle est souriante. Elle a un accent. Un accent qui me fait penser à l'Italie, oui c'est ça, mais aussi à Moretti, avec son film sur la mort de sa mère. Et je lui demande si elle est italienne, et on me met un masque sur le nez, on me dit ça va aller monsieur, et je regarde les yeux verts de l'anesthésiste, et je me dis c'est génial de partir comme ça, que la dernière image que j'aurai du monde soit celle de ce visage souriant avec cet accent qui me dit « je ne suis pas italienne, je suis roumaine », et paf, plus rien. Et paf, une seconde après, le réel à nouveau, la vie, la clinique, un autre visage. Bonjour, je suis Cécile. Vous vous sentez comment? Impossible de dire un mot. Vous êtes pâteux, c'est normal, tout s'est bien passé. Voilà, donc j'ai donc fini Requin, votre livre, dans cet état un peu comateux, cotonneux, et je dois dire que c'était une expérience de le lire après une opération bénigne que j'avais associée hypochondriaquement à la fin, à la mort. Chaque phrase résonnait en moi, et une image de votre livre m'est restée. J'ouvre les guillemets. Pour conduire un homme à mourir, il suffit souvent d'un rien. Ce rien pouvant bien être n'importe quoi. Rien. Comme lorsque les portes donnant sur l'ascenseur s'ouvrent sur rien. Fermez les guillemets. Voilà. J'avais pris une revolving door, comme celle à l'entrée des hôtels. J'avais été opéré d'une hydrocèle vaginale dans le hall et recraché dans la rue. J'avais droit à un nouveau tour de manège, jusqu'à l'éventualité d'une fiche S mal répertoriée, un ascenseur sur nacelle ou un lendemain d'élection. Alors, au final, quoi faire sinon vivre ? Hippolyte Girardot, merci. Et votre livre, Bertrand Molin, Requin, est paru chez Paul. Chez Audition POL. Voilà, chez POL. Merci. Troisième sujet, après cet Hippolyte Girardot virtuose, dites donc, je ne sais pas si on allait vous récupérer, mais vous êtes là. Troisième sujet, on a eu peur. La FNAC lance une campagne de pub où elle se présente en creuset artistique. La punchline de la pub, c'est « J'ai fait la FNAC », comme on dirait « J'ai fait Sciences Po ». Le supermarché du produit culturel est désormais électroménager, reste une référence pour les conseils de ses vendeurs toutefois. C'est donc aussi un temple, et ça, l'inculte ne peut pas le comprendre. Je connais ton discours. Je présume que tout ça, pour toi, c'est l'ennemi. À notre figure-toi qu'il y a des milliers de gens qui viennent ici tous les jours. Pas seulement parce que c'est moins cher, parce qu'il y a de la vie. La vie ? Ouais. Du froid l'été, de la chaleur l'hiver, la sécurité toute l'année. La sécurité. C'est un des rares endroits au monde où tu peux te promener dans les bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, entourés de produits aux normes. Mais ta connerie, elle n'est pas aux normes ? Un extrait de Le Grand Soir, ouais. Dupontel. Voilà, la nouvelle image de la FNAC. Il y a par exemple Nekfeu qui explique, ou Christophe Blain, qui est auteur de BD, Nekfeu qui est rappeur. Nekfeu, tiens, quand j'étais petit, je passais plein de temps à la FNAC, des heures debout à lire des mangas. Et j'y allais aussi pour lire Tolstoï. Alors là, on s'est demandé avec notre réalisateur Benjamin Riquet comment on fait pour lire Tolstoï à la FNAC. Mais voilà, on fait la FNAC comme on fait Sciences Po ou l'ENA pour les artistes. C'est-à-dire que c'est un creuset, on va se nourrir là-bas. Est-ce que c'est du flan ou bien vous aussi, vous avez cette vision de ce grand distributeur de produits culturels qui est donc très commercial, mais qui a aussi une âme? Oh, ça fait aucun doute que c'est un argument commercial, non? C'est vrai qu'il y a des aspirateurs maintenant. Moi, aussi. J'ai grandi dans une ville où il y avait pas de FNAC. Hein, donc, vous alliez où ? J'ai découvert la FNAC quand j'avais 18-19 ans, en arrivant à Paris. Ouais. Moi, j'allais à Quiberon, il y avait le marchand d'électroménager qui vendait des disques avec des chaînes stéréo. Bon, mais c'était l'époque où on pouvait trouver. Ouais. Comment, je sais pas moi. Oxygène, là, Equinox, qui est-ce qui a fait ça déjà ? Jean-Michel Jarre, enfin... Hey il n'y hey voilà, avait pas grand-chose. Sinon, il fallait aller à Nantes, à Auray, chez Léna, où là, c'était un disquaire super qui a survécu jusqu'à il y a 2-3 ans, là. Notez que moi aussi, ouais. Dans mon bled, non, moi, pas la de FNAC, j'ai découvert ça à Paris. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien gaulé à une époque. Je me rappelle, quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas beaucoup d'argent. C'était un magasin qui était bien conçu quand même pour voler les livres de poche. voilà. J'avais chapardé un Bukowski notamment, je me rappelle. Je crois que c'est le dernier vol que j'ai fait de ma vie. Oh, Bertrand, voilà, n'en ajoutez pas plus parce que sinon ça va être terrible. Bah, ça va, parce on a une proposition indécente à vous faire. Oui, à la fin de chaque émission, on propose à l'invité de participer à un sketch. Et je vous donne un rôle. Est-ce que vous acceptez d'être Florian Philippot pour 2 minutes? Pas évident. Le seul plaisir, ça va être de lui trouver une voix qui lui va. Je vous laisse le faire. Bureau de com du FN, Guillaume Meurice et moi-même, nous sommes les pros de la com au FN et Philippot débarque. On a gagné. Bonjour messieurs, c'est vous la séduction? Oh monsieur Philippot, félicitations, on a gagné. C'est bien ce problème. On n'avait pas prévu. Mais vous aviez dit que les chiffres étaient bons pour nous. Bah les chiffres, balance, c'est la vente. Ah bon? Donc il fallait pas gagner. Disons que ça fait 40 ans qu'on perd. Le parti vivait très bien comme ça. Ça c'est vrai, mais on dit toujours que les autres sont nuls, l'UMPS, là tout justement, ça. Justement, on dit ça, parce qu'on a gagné. Mais là, on a gagné. 6 régions. On est en tête dans 6 régions. 6, il y a autant de régions six. Que mais ça. Mais oui, il y en a 6. C'est même pour ça qu'on dit l'hexagone. Ah bon? Ben non, il y en a 13. Hexagone, c'est 13. Ah bon. Donc vous, c'est la cellule de com. Ouais, c'est nous. Mais de quelle région? Ah mais le national, nous au chapeau de toute la com du front. Ah bah vous avez des diplômes. Ah bah bien sûr, des diplômes. Moi tourneur fraiseur. Et moi boucher charcutier. Ah, c'est vous qui allez gérer l'entre-deux-tours. Oui, c'est nous. Ah bah on a encore une chance de perdre. Ouais, d'ailleurs j'ai une idée de slogan. Tous à vos cartes. Vos cartes. Vos cartes d'électeurs. Non, vos cartes de France. Moi j'ai aucune idée d'où elles sont, toutes ces régions là, vous parlez. Bah nos électeurs, ils savent où elles sont les régions, ils vivent dedans. Ah bon? Ah, vous savez, nos électeurs, ils visent aussi dans la mouise et ils ont pas l'air de savoir comment sortir. Hein. Salut la compagnie. Ah Marion. J'ai gagné, trop chouette. Ah. Je peux encore rester une semaine. Pardon. C'est comme dans Secret Story, je reste quoi. Voilà. Bah, c'est pas notre réalité. Non, mais je passe à la télé, je raconte des conneries et j'en vote pour moi. Alors. Bon, je suis en train de voir comment on peut perdre la semaine prochaine. Mais on va jamais perdre enfin. Ah bah, il y a une seule solution. Bah, allez, que quelqu'un dise une grosse connerie. Ah super, on va rappeler papy. Merci Bertrand Velin. On sent que vous aimez Philippot. Bertrand Velin, merci, vous étiez avec nous pour votre 5e album Cap Waller et je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France. Merci beaucoup, il est 18h.